La musique est un langage que tout le monde peut comprendre, à part malheureusement ceux qui ne peuvent entendre pour les autres. Elle est universelle, elle te parle, peu importe ta langue maternelle. Il n'y a pas d'âge pour que nous puissions l'écouter, chacun selon ses goûts, à sa manière d'interpréter. Pour l'un, il s'agira d'un réel investissement, et l'autre n'y verra qu'un simple divertissement. Je me rappelle encore lorsque j'étais enfant, écoutant les bonnes vieilles cassettes de mes parents. Je ne faisais pas forcément attention aux paroles, mais en réécoutant, elles me paraissent encore plus belles. Je me vois encore dans la voiture, passant un tas de chansons, des morceaux indémodables qui au fond de moi resteront, imaginant dans le paradis blanc du berger Michel, ou encore dans la cabane du jardin Cabrel. La musique est universelle, universelle. La musique est universelle. Parfois la musique, elle me fait fondre en larmes, de jolis accords de piano, et c'est le drame. Lorsque je vais mal, c'est elle ma meilleure compagne. J'enfile mes écouteurs et elle m'accompagne. Je me balade plusieurs heures dans son univers. Chaque fois, elle me raconte de nouvelles histoires. Elle partage tout avec moi sans me juger. Elle m'offre du plaisir et de la tranquillité. Des fois, je me sens à part, incompris de tous. Un endroit où les frontières, la musique les repousse. Il m'arrive souvent d'être complètement absorbé. L'espace d'un instant, j'ai l'impression d'être ailleurs. Je me couche dans mon lit et me laisse emporter par une douce mélodie qui éloigne mes malheurs. J'écoute patiemment ses notes vibrer dans mes oreilles. J'apprécie beaucoup lorsqu'elle me guide dans mon sommeil. Universelle, la musique est universelle. Universelle, la musique est universelle. La musique se laisse écouter, peu importe notre humeur. Bien souvent, elle donne du baume au cœur, mais ce n'est pas tout, car elle adoucit les mœurs. On l'écoute ici, elle nous emmène ailleurs. Je me permets d'affirmer qu'elle est le plus beau des langages. Avec elle, on peut choisir le paysage, qu'il soit sombre ou clair, foncé ou coloré. Elle trouve toujours la solution.